Chapitre 8e. Je me suis enfui dans la chambre. Je suis dans mon cabinet, écrasé dans un fauteuil. Le revolver s'est échappé de ma main et gît sur le tapis. Qui donc a parlé tout à l'heure? Qu'est-ce que cette voix qui soudain a jeté à mon oreille cette interrogation qui a éclaté comme un coup de clairon? Et moi, quoi? Qu'est-ce que cela signifie? À quoi cela répond-il? Je pensais que cette femme m'avait menti à tous ses serments. Et ces mots ont été prononcés en moi, contre moi, comme un cri de revanche, de menace, comme une accusation. Est-ce que je deviens fou? Quelle est cette sottise? C'est quand je sais qu'on a commis contre moi le plus grand des attentats, quand j'ai subi la pire injure qui puisse atteindre un homme, c'est quand je sens en moi la volonté et le droit du châtiment, que je m'accuse, ou plutôt que cette voix, venue de je ne sais où, m'insulte d'une absurde riposte. Comment? Et moi? En vérité, c'est presque grotesque. Ce serait moi, le criminel, moi, le traître. Quelle insanité! Quel est ce sophisme paradoxal qui, dans mon cerveau, vient tout à coup rompre l'équilibre, déplacer les responsabilités et, par un mensonge, pallier la vérité indéniable? Ai-je donc commis quelque faute? Sarah Bell. Est-ce qu'elle est ma maîtresse? Est-ce que j'ai deux ménages? Est-ce que je suis de ces hommes qui abandonnent leur intérieur pour se donner à une étrangère? Est-ce que j'ai jamais refusé quelque chose à celle qui porte mon nom? Est-ce que je lui ai volé sa part de bonheur? Non pas. Je n'ai pas péché. Ma conscience est calme. Tout à l'heure encore, je me souvenais de cette première année de mariage. Jamais mari fut-il plus aimant, plus dévoué, plus complaisant, plus soumis? Cette femme n'a-t-elle pas été réellement la moitié de mon âme? Je n'avais pas une pensée dont je ne lui fisse part. Je ne prenais pas un plaisir dont je ne lui donnasse tout d'abord la primeur, l'essence, pour ainsi dire. Je lui avais ouvert ma conscience à tout feuillet comme un livre. J'avais abdiqué tout égoïsme, éprouvant une ineffable jouissance à me sentir vivre cette double vie, à mirer en cette femme le reflet de moi-même, comme je l'aimais. Et voici que des sanglots me montent à la gorge. Je pleure, oui, je pleure comme un enfant, comme un niais. Fut-il rien de plus beau que nos promenades à deux, quand nous allions, au hasard, attendant de l'occasion le prétexte d'une causerie, le jaillissement d'une idée qui, le plus souvent, surgissait en nous au même instant? Souvent, en elle, la pensée naissait un peu vague. Alors elle m'interrogeait, et je me complaisais, avec un orgueil sain de protecteur et de maître, à dégager pour elle cette conception première des brouillards qui l'obscurcissaient. Élève docile et charmante, elle m'écoutait, avec une sorte de défiance d'elle-même, comme si elle avait peur de ne pas assez bien me comprendre. Mais peu à peu, son esprit subtil saisissait la vérité, l'expression dans leurs nuances les plus fines. Et si j'hésitais à poursuivre, craignant de fatiguer son attention, par un mot, elle me prouvait son désir de m'entendre encore. C'est véritablement le meilleur et le plus doux de mes souvenirs. Il y a dans cette éducation de la femme aimée un charme qui ne peut se comparer à nul autre. Et pour la remercier de me l'avoir donnée, je me laissais glisser à ses genoux, la regardant, l'aimant, l'adorant. Il y a 6 mois, un jour que je rentrais de la bourse, préoccupé, énervé, Gabriel m'a dit, je m'en souviens comme si c'était hier. Ami, j'ai un désir, un caprice, si tu veux. Par ce beau temps de neige, j'aimerais faire avec toi une belle promenade, ce soir, au bois de Boulogne, par exemple. Et haussant les épaules, j'ai répondu, « Ben voilà une étrange idée. Quelle poésie, grand Dieu! Du reste, c'est impossible. Ce soir, j'ai affaire. Tu sors? Oui. Et je te prierai de presser le dîner. Mais sais-tu bien cher que je ne t'ai plus jamais, presque jamais à moi? Que veux-tu, les affaires? Remets-les à demain. Vrai, tu me ferais bien plaisir. Quel enfantillage! Je resterai demain ou après-demain. Mais aujourd'hui, c'est impossible. D'ailleurs, Robert te tiendra compagnie. Hâte le dîner, n'est-ce pas? Et j'ai passé dans mon cabinet. M'était-il véritablement impossible de lui consacrer cette soirée? Quelles étaient ces affaires si pressantes? J'ai fait un tour de boulevard. Je suis entré aux variétés. De là, je suis allé au cercle. Je suis rentré après minuit. Gabrielle n'était pas couchée, j'ai vu qu'elle avait pleuré. Alors, très sèchement, je lui ai dit « Qu'est-ce que ces façons-là? Des larmes maintenant, des reproches. Pourquoi? Parce que j'ai été retenu plus tard que je ne le croyais. C'est ridicule, nous ne sommes plus des enfants, et nous ne pouvons point passer toute notre vie à rouler comme des tourtereaux. » Elle s'est tue et je n'y ai plus songé. « Allons, confesse-toi donc, Marie. » Dans l'angoisse douloureuse et lourde qui m'accable, à cette minute où je sens que tout m'échappe, que ma vie se brise, en vain, je me débats contre une vérité qui me tient, qui m'enlace, qui m'étouffe. La voix qui tout à l'heure n'a prononcé qu'un seul mot à mon oreille, ce mot qui m'a fait tressaillir jusqu'en mes fibres les plus profondes et que je me refuse à comprendre, cette voix parle maintenant si haut, si brutalement, que je ne puis pas ne pas l'entendre. À ces souvenirs de la première année si purs et si charmants, qui rendent ma douleur présente plus poignante et plus amère, d'autres souvenirs s'opposent, qu'en vain je cherche à écarter. De cette union intime qui a relâché la chaîne, de cette trame si forte qui, à une, désagrégé les mailles, qui s'est fatiguée du bonheur, qui a dilapidé le trésor placé là sous sa main. Eh bien c'est moi, s'érige en juge. Sa rouge étroite de vie et de mort, c'est facile. Mais quel magistrat, investi d'un pouvoir exorbitant, se refuserait à entendre, à provoquer même la défense? Est-ce que pour les pires criminels, on ne désigne pas des avocats d'office? Cet avocat, ce sera ma conscience. Je veux qu'elle parle, je veux qu'elle avoue. Je veux que, se dégageant de la carapace d'orgueil sous laquelle elle se cache, enfin, elle se montre tout entière. Et tout d'abord, je lui adresse cette question à laquelle je la contrains de répondre. Quand Gabrielle est devenue ma femme, quand la jeune fille a abdiqué sa liberté entre mes mains, s'est-elle, oui ou non, donnée tout entière, corps et âme? Y eut-il en elle quelques recoins de conscience, mystérieux et obscurs, dans lequel mon regard n'eût point pénétré? Non, cette âme était un cristal derrière lequel aucune ombre ne se tapissait. Elle avait les chastetés exquises, les puretés divines, l'ignorance sainte de la vie et de l'amour. Dans la femme, il y avait l'enfant, l'enfant qui ne savait rien, qui ne calculait pas. Elle était la cire malléable et vierge qui s'offre, immaculée, au génie de l'artiste. Ai-je rencontré une résistance? N'étais-je pas maître de la façonner au gré de ma fantaisie? J'avais le pouvoir du créateur, responsable de la créature. Certes, je l'ai aimée. J'étais passionnément épris de sa beauté, de son charme, de sa grâce. J'éprouvais de folles et délicieuses vanités à me sentir le seul maître de cette virginité, et la plaçant sur un piédestal d'idole, je me suis prosterné devant elle, m'enivrant moi-même de l'encens que je lui prodiguais. En cet amour excessif, est-ce bien à elle que je pensais? Des joies ressenties, est-ce que sincèrement la part la plus large ne m'était pas dévolue? Était-ce pour elle que je l'aimais? Était-ce pour moi? En l'élevant si haut, est-ce que je réfléchissais au vertige que je mettais en son cerveau? Toutes les fois que j'ai entendu Ruy Blas, une pensée m'a hanté, celle-ci. Supposez que ce ne soit pas Don Salluste, mais la reine, qui est dessein de se venger de Ruy Blas. Elle le prend par la main, l'élève toujours plus haut, lui donne la puissance, la faculté de développer toutes ses forces, de réaliser le bien qu'il a rêvé. Elle suit en son âme les développements de l'amour qu'elle sait lui inspirer, elle feint elle-même d'être touchée, entraînée, et au moment où il marche vivant dans son rêve étoilé, elle lui jette ce seul mot « Vous êtes un laquais ». Quelle épouvantable catastrophe se produirait dans le cerveau de cet homme! S'être cru Dieu de par l'adoration des fidèles, puis voir tout à coup ses respectueux, tout à l'heure encore craintifs et prosternés, se redresser, l'insulte à la bouche. Le mari, pendant les premiers temps de son union, hausse la femme à la hauteur des déesses. Elle est plus que reine, il se proclame moins que le sujet, il est l'esclave. Devant cette beauté qui l'enivre, il chante des hymnes et psalmodie des litanies. Ravie, emportée en ces régions d'où jamais on ne voudrait revenir, elle voudrait relever cet agenouillé dont elle aspirait à peine à être légale. Puis un jour, brusquement, en un mouvement d'humeur bourru, il se redresse et lui dit « Pardon, ramassez-moi mon mouchoir ». Surprise, arrachée violemment de ce ciel dans lequel elle se perdait, elle sourit, obéit, et pour toute récompense, demande un sourire. Ah ça, soyons sérieux. Il m'a plu de jouer, de la meilleure foi du monde, cette comédie de la glorification de la femme. Il y a un temps pour tout. Je vais maintenant m'occuper de mes affaires. Prenez votre broderie et ne me troublez pas. Aujourd'hui, qu'en face de l'irréparable, je m'interroge, ce passé de 3 ans, hors la première année, se dresse devant moi, et les infiniment petits de ma sottise, de ma cruauté m'épouvantent. Après notre long voyage de noces, que j'aurais voulu prolonger encore, nous sommes revenus à Paris. Gabrielle, élevée presque claustralement entre un père désillusionné et une tante habituée à la solitude, ne savait rien de notre vie surchauffée. Au théâtre, elle me l'a dit souvent. Elle était allée une fois toute petite et avait encore aux yeux l'éblouissement d'une féerie dont elle ignorait jusqu'au titre. Il y eut pour moi un plaisir délicat et charmant à l'initier peu à peu aux jouissances intellectuelles dont Paris est prodigue à qui sait les choisir. En ma vie de garçon, j'avais peu de relations mondaines qui pussent devenir celles de ma femme. Après les visites obligatoires à quelques vieux parents, nous nous confinâmes chez nous, nous créant des distractions délicates où l'esprit avait la plus grande part. Je prenais chaque jour quelques heures pour mes affaires, mais je passais les matinées et soirées chez moi, travaillant, préparant les matériaux du livre que je rêve et qui depuis 2 ans, sans poussière, abandonné en quelques coins. J'aimais à m'envelopper de cette intimité dans laquelle mon esprit s'élargissait. Gabrielle, je le savais, était profondément heureuse. Elle était à la fois l'amie, la femme, la maîtresse, s'abandonnant à ce courant doux qui la berçait, mais avec son intelligence de femme, mettant dans ce repos exquis l'activité caressante du va-et-vient familial. Comment, par quelle péripétie subite, en vertu de quel changement d'axe, me suis-je tout à coup fatigué de ce bonheur? En vérité, il me paraît impossible de retrouver le point précis où l'équilibre se déplaça. Je me souviens qu'un jour, une affaire réelle m'empêcha de rentrer chez moi à l'heure habituelle du dîner. Mais je sautai en voiture et je vins avertir Gabrielle, dont j'avais peur qu'elle ne s'inquiétât. Franchement, je lui dis combien j'étais peiné de la quitter. Franchement, elle m'embrassa en me demandant de ne point rentrer trop tard. À 10 heures, je revenais. Elle était dans mon cabinet, lisant, plus jolie que jamais, avec cette pointe de coquetterie que donne l'attente de l'aimer. Puis, insensiblement, je me laissais ressaisir par les entraînements de la vie parisienne. Ce qui est incroyable, c'est à quel point l'homme le plus philosophe dédaigne d'appliquer sa philosophie aux choses qui le touchent de plus près. J'ai l'intelligence très nette, le raisonnement subtil, voire aigu. J'aime analyser les faits, les moindres circonstances des incidents qui se produisent autour de moi, mais jamais, jamais il ne m'est venu à la pensée de reporter cette science, si science il y a, sur la vie intérieure. En ce qui concerne mes affaires, mes intérêts, je ne hasarde point un pas, une démarche, un acte même en apparence indifférent, sans avoir étudié, pesé le pour, le contre, les conséquences possibles. En ma vie intime, je vais au hasard, sans réflexion, obéissant à un instinct irraisonné, à la fantaisie du moment, ne me demandant jamais ce qui peut advenir. Et pourtant, je le sens aujourd'hui en l'effroyable crise que je traverse. C'est cette science de l'existence réelle, du bonheur domestique qui devrait, avant tout autre, faire l'objet des méditations de l'homme sensé, ne serait-ce même que par égoïsme. Subitement, sans transition, j'ai prolongé mes absences, sans m'en apercevoir, en quelque sorte, ce qui s'explique, puisque je rencontrais au dehors des excitations qui hâtaient la marche des heures. J'avais jusque-là l'esprit libre. Je me suis créé des préoccupations, des soucis, le plus souvent pour des billevesées qui n'étaient que des fétus de paille, mais qui, se glissant dans les rouages de mon existence, y mettaient des froissements, des grincements. Après m'être donné la peine de venir moi-même avertir que je ne rentrerai pas, j'ai trouvé plus simple d'envoyer un commissionnaire, un billet, une dépêche. Parlant beaucoup dehors, je ne parlais plus chez moi. Le travail de cabinet m'est devenu insupportable. J'ai senti un besoin incessant de locomotion, et à peine rentré, j'ai noté au cadran de la pendule l'heure de la sortie prochaine. Gabrielle m'attendait toujours avec le même sourire, avec la main tendue. Cette monotonie de l'affection m'a paru fatigante, ennuyeuse. Cette absence de reproche m'en était un plus agaçant que s'il eût été formulé. Je me suis irrité d'autant plus qu'il m'eût été impossible d'expliquer le motif de ma colère. Une porte ouverte ou fermée, un verre changé de place, une pendule arrêtée, un accident insignifiant, ont pris à mes yeux des proportions énormes. Ce qui autrefois me paraissait naïveté charmante m'a semblé ignorance ridicule. Si Gabriel, comme autrefois, me questionnait, je lui répondais sèchement. Je n'étais pas un maître d'école, après tout. Elle a aux paupières un léger battement qui s'accentue quand elle s'anime. Jadis, cette intermittence du regard, augmentant l'éclat des yeux, me ravissait et j'aimais à la provoquer. Je la lui ai reprochée comme une imperfection. Plus d'agenouillement devant l'idole, plus de bercements, lents et câlins, plus de folies murmurées à l'oreille. De mes affaires, de mes projets, de mes aspirations, plus un mot. Après tout, de quoi pouvait-on se plaindre? Étais-je moins mari que tous les maris? Est-ce qu'on manquait de quelque chose? La maison n'était-elle pas confortable et les soucis d'argent n'étaient-ils pas écartés? J'avais à sortir. Est-ce que j'empêchais que l'on ne sortît? Pourquoi n'avait-on pas de relations? Pourquoi ne faisait-on pas de visites? Pourquoi ne recevait-on pas? Il était incroyable qu'on n'eût pas d'amis. On ne pouvait donc se lier avec personne. Ces goûts d'intérieur, de solitude que j'avais développés à mon bénéfice pendant 2 années, maintenant je les imputais à crime, les attribuant à des défauts de caractère, un manque d'affabilité. Vraiment, cette indolence était irritante. Toujours lire, toujours rêvasser. On s'occupait de l'intérieur. Mais avec deux domestiques, avait-on affaire, et des airs de victime? Je mentais. Pas une fois Gabrielle ne m'avait accueilli avec moins de cordialité franche. Je voyais combien elle était heureuse de ma présence, combien elle eût voulu me retenir auprès d'elle, et ce bonheur même et ce désir m'irritaient comme une protestation. Je finis par ne plus pouvoir supporter le tête-à-tête. Aux quelques jours où je venais dîner, j'amenais des amis, ce Robert que je présentais comme un intime, un frère, un second moi-même, et devant qui, par forfanterie, je témoignais à Gabrielle une indifférence parfois presque insolente. Cette femme était à moi. Je tenais à ce qu'on vît bien que je n'avais pas à me mettre en frais pour elle. Une fois que Robert apporta un bouquet, je me moquais si fort de lui que Gabrielle se mit à sangloter. Furieux, je jetai ma serviette sur la table et emmenai Robert dîner au restaurant. Puis, ayant besoin de plus de liberté encore, à cause d'une liaison passagère, j'en vins à prononcer le mot fatidique. Robert, rends-moi donc le service de passer la soirée avec ma femme. Si elle me demandait de la conduire à quelque concert, je m'excusais, priant Robert de l'accompagner. Je lui parlais non plus en amant, non plus en camarade, mais en bourru, que ses conversations assomment et qu'il se résigne au dialogue indispensable. Voilà ce que j'ai fait. Résumons-nous. Pendant de longs, longs mois, cette femme a été tout pour moi. J'ai voulu être tout pour elle. Je l'ai enivrée d'adoration, lui jurant que je ne pouvais vivre sans elle. Pourquoi ne m'aurait-elle pas cru? Si, en mon expérience cruelle, latente d'homme du monde, je savais peut-être, au fond de moi, que ce sont là des mots et que toujours n'est qu'un adverbe. Est-ce qu'elle le savait, elle? Est-ce que je ne voulais pas être cru? Est-ce que j'eusse admis un seul instant qu'elle douta de ma sincérité? Est-ce que, si elle m'avait témoigné la moindre défiance, je n'eusse pas plaidé avec une chaleur entraînante pour la faire disparaître? Mais non, jamais l'ombre d'une incrédulité n'avait effleuré son âme. Elle croyait en moi, ingénument et éperdument. Cette conviction de l'éternité d'amour que je m'efforçais de lui imposer, elle l'acceptait. Elle la recevait, elle s'en imprégnait. Comment d'ailleurs en eût-il été autrement? Où eût-elle appris le scepticisme? L'homme qui avait reçu son premier baiser représentait à ses yeux le type de la franchise, de la sincérité. Lui, mentir, allons donc. Sa sécurité se doublait du respect que j'avais voulu, que j'avais su lui inspirer. Sa foi en ma probité lui était la plus précieuse garantie. Et voilà que, tout à coup, sans prétexte, sans que rien en elle ne soit modifié, s'est accomplie en moi cette métamorphose de l'amant en mari, du mari en indifférent, de l'indifférent en malveillant. Sur ce cœur, ouvert à toutes les espérances d'avenir, j'ai laissé tomber, goutte à goutte, comme un acide, mes désenchantements et mes lassitudes. Le « je t'adore » n'a même pas laissé derrière lui l'écho d'un « je t'aime ». Et je m'étonne qu'en cette nuit, que j'ai moi-même épaissi autour d'elle, le moindre rayon d'amour ait mis un éblouissement. Dans la voix d'un autre, son oreille a retrouvé l'écho de la mienne, dans les mots prononcés, le souvenir de mes paroles. La femme éprouve une jouissance infinie à cette musique des sons, à cette harmonie des murmures. Est-ce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas cette puissance des paroles modulées? Est-ce que nous n'en abusons pas, artistes cruels que nous sommes, charmeurs égoïstes, pareil à ces chasseurs qui attirent les oiseaux pour les admirer d'abord, puis les étouffer et les jeter dans leur carnier. Jusqu'à l'heure sinistre où cette femme a failli, jusqu'à ces deux derniers mois où le malheur est entré dans cette maison, d'où il aurait dû être banni à jamais, quelle faute a-t-elle commise? Qu'ai-je à lui reprocher? Rien. Elle m'a aimé dans la plénitude de son abandon et de sa sincérité. Elle s'était donnée, elle ne s'était pas reprise. Elle était à moi seul, et c'est moi qui, tout à coup, n'ai plus voulu d'elle. Et puisque courageusement je lis jusqu'au plus profond de ma conscience, est-ce que je n'y retrouve pas ces plaintes muettes, ces appels silencieux et désespérés? Est-ce que je ne la revois pas quand, la nuit? Je m'approchai de son lit, ouvrant tout à coup ses grands yeux et me regardant avec une expression de bonheur inquiet, de reconnaissance pour ce retour, si tardif qu'il fût, avec l'attente anxieuse d'un mot qui rappela le passé, d'un élan qui recommença l'avenir. Moi, ennuyé, presque irrité de cette nécessité de la rentrer au logis, mécontent du devoir auquel je n'osais pas encore me soustraire, je ne voyais, je ne devinais rien. Et quand d'aventure elle n'avait pas assez soigneusement essuyé ses larmes, j'avais peine à ne point lui faire querelle de son chagrin. Comme elle a dû pleurer. Moi qui, plus que tout autre, connais son honnêteté profonde, sa chasteté vraie, ses délicatesses si féminines, je devine les luttes subies et je frissonne. Elle criait à moi, et je ne l'ai pas entendu. Pour l'arracher au danger que j'ai créé moi-même, il eût suffi d'un mot, et je ne l'ai pas prononcé. En l'une de ces lettres, atroce témoignage de la débâcle d'amour et d'honneur qui s'est abattue sur cette maison, je vois que cette pauvre femme, et oui, je la plains maintenant, cherchait à se rattacher. À quoi? Aux théories que j'ai prêtées au héros des petits horizons, théories de littérateur. Et pourtant, mon Jacques dit la vérité. Tous nous rêvons le deuxième, sinon le centième rang à Rome, alors que nous pourrions occuper le premier dans notre bourgade. Cette passion de l'au-delà nous tue. Être malheureux, c'est être inassouvi. Et en la femme, la propension est contraire. Elle accepte les limites du cercle où les hasards de la vie l'ont enfermée. Elle ne demande qu'à cultiver ce jardin, dont les murs sont pour elle la borne de son univers, et elle s'efforce d'y récolter des fleurs. Nous, nous abattons le mur, dédaignant les roses abritées pour courir à la recherche des plantes libres, sinon sauvages. Par la brèche ouverte, c'est, derrière nous, le désespoir qui entre. Je n'ai pas le droit de tuer cette femme.